esta noche. Soñar contigo. Thank you. la la la. On a soif d'idéal. On a dans notre pack commercial. Oh fool, oh fool, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Happy few fool. Oh, don't you know you're a fool? Thank you. hope that we all know every hurt I am. Ha ha ha ha ha ha. We'll be right back. se retrouver ici encore une fois. Mais quel plaisir de se retrouver, ne serait-ce qu'entre soi. Mais quel plaisir de vous avoir tout près, de vous savoir et de pouvoir chacun proposer quand est-ce qui va gagner. De guitare, qui de max ou métal. Van se rêver, mais qui? Paris sont ouverts. Les paris sont ouverts. Y'a plusieurs techniques. Y'a plusieurs techniques. Ouais, ça c'est bien. We'll be right back. the angel that I climb. Back to one of the big dogs. Now, big dog got dead, this is my mole. dreams in your sweetest dreams. Le truc que tu fais, mais le coup de violon. Algún día diera de mi nena con esa nana. Thank you. fille la mer. La maison y'a contigo. Aquí se queda la clara. Adelante, comandante, adelante. Ouais, j'étais en plein ninja. Je viens de mettre un vent à Lucille, mais toi je te réponds, ça craint. Quoi de neuf? Pas grand chose, écoute. La routine, t'as vu ta belle il y a longtemps ou pas? Donc, lui, j'ai l'us. pourrais plus jamais. Non. Ah merde. Ah mais j'avoue les deux c'est génial. J'avoue c'est un peu rose. J'avoue c'est un peu rose. Ça fait chier. Mais même pas besoin de rajouter que ça allait baiser. Pas là. Maintenant, c'est pas un... c'est pas mon parle. Il voit bien le gars. Bon, bah.